Le vilain petit ours noir de Géode Ham, œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Le vilain petit ours noir. Grand branle-bas de combat dans la nourserie. Tout le monde est appelé à se rassembler et à débattre sur un sujet d'importance. Arrive d'abord Teddy Bear, affectant une digne simplicité de bon aloi. Il est suivi par Winnie l'ourson, chantant et dansant avec un pot de miel dans son panier. Les calinours multicolores s'avancent en groupe, bavardant à qui mieux mieux. Papa ours, maman ours, entoure Boucle d'or qui tient petit ours brun par la patte. Nicolas et Pimprenel embrassent leur ami pendant que Nounours échange des salutations avec Balou, sorti du livre de la jungle. Descendant de son étagère, le montreur d'ours mécanique tourne sa clé pour que son animal se mette à danser en jouant des cymbales. Un petit ours blanc, tout doux, roule tel une boule de neige et s'étale aux pieds de ses amis en riant. « Allons, allons, un peu de sérieux, intime Teddy Bear, nous devons prendre une décision capitale. » Il jette un regard un peu sévère vers les calinours qui continuent à s'agiter bruyamment. Il reprend. « Mes amis, ici c'est un forum, ce n'est pas une cour de récréation. Nous devons examiner la demande d'asile d'un nouvel arrivant dans notre nourserie. « Sorry, je suis en retard, je le connais, il est très gentil !» s'exclame Paddington qui enlève son ciré. « Ce n'est pas la question, permettez-moi de vous parler de lui. Voilà, c'est un petit ours pas comme les autres. D'abord, on l'a affublé d'un collier pour chat, avec un grelot. Cela ne se fait pas pour un ours. Ensuite, il est en peau de lapin. « Et vous, en poil d'alpaga !» rétorque Balou moqueur. Teddy Bear réfute l'argument d'un geste impérieux. « Là n'est pas la question. » Enfin, il est noir. Le montreur d'ours déclenche un roulement de cymbales. Mon ours est noir, lui aussi. Que reprochez-vous aux ours noirs? Rien, rien. Mais en peau de lapin et avec un grelot de collier pour chat, vous ne croyez pas? Nicolas, Pimprenel et Boucle d'or interviennent. Il faut demander son avis à Célia. Ce sera elle qui décidera si ce vilain petit ours noir peut entrer dans la nourserie. Appelons-la tous ensemble. Alors, tous se mettent à appeler en chœur. Célia, Célia, es-tu là? Célia arrive, très étonnée par ce rassemblement extraordinaire. Elle demande. Que se passe-t-il? Papa ours explique la situation et conclut. Nous avons besoin de toi pour savoir quelle décision prendre. Je comprends, dit Célia. Alors, je vous propose une comptine. Si elle se termine sur ce petit ours noir, il entrera dans la nourserie, d'accord? Tout le monde applaudit. Célia sait déjà que la chansonnette fera le bon choix. Dans la foule des calinours, elle a vu quelques clins d'œil s'échanger. Les petits malins se cacheront ou se présenteront deux fois pour que le conte soit bon. Très bien, on compte ensemble, c'est parti, chantez avec moi. Mon chou, mon petit chou, donne-moi un bisou calinou. Mon pou, mon petit pou, donne-moi un caillou, genou, hibou. Mon loup, mon petit loup, donne-moi un bijou, beau joujou. Mon nounours, mon petit ours, donne-moi un bisou, bisounours. Évidemment, grâce à la complicité des calinours, la comptine s'arrête sur le petit demandeur d'asile. C'est ainsi que le vilain petit ours noir est entré dans la nourserie. Qui sait si un jour il ne deviendra pas un beau justicier ténébreux? Ici se termine le vilain petit ours noir de Géode Ham.